Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut tout le monde, une nouvelle session du pop-rock dans le blues avec pour commencer, et encore et toujours, Jack Bond. En 2007, un album où il y a vraiment beaucoup de titres pour mon émission. S'appelle Live and Acoustic en 2007 et je vous propose deux titres. On commence avec Drinking Wine, Spoody Woody. C'est un titre composé par Stick McGee, le frère de Bronnie McGee, hein, du célèbre duo Bronnie McGee, Sonny Terry et Bronnie McGee. Et là, il a composé ce morceau et la première parution date de 1946, mais elle n'a pas eu de succès. Alors, quand je suis né, en 1949, il a décidé de ressortir la chanson et ce fut un réel grand succès. Voici la version de Jack Bond, Drinking Wine, Spoody Woody. Jack Bond, Drinking Wine, Spoody Woody. Il l'a traité un petit peu rock'n'roll comme Jerry Lee Lewis l'avait fait lors de ses sessions anglaises. Le deuxième titre de Jack Bond est donc ce fameux Rosaline. Oui, mesdames, messieurs, The Pretty Things, en 1964, sortent leur premier 45 tours. En France, 4 titres, Don't Bring Me Down, Big Boss Man, We'll Be Together et Rosaline, composés par deux producteurs anglais, Farley et Duncan. Ils ont bien cartonné avec ce disque, Don't Bring Me Down et Rosaline, deux titres qui passaient souvent sur les radios et que l'on s'escrimait à chanter dans nos petits garages ou caves de la mairie du 14e arrondissement. Yes, mesdames, messieurs, Jack Bond, Rosaline. 2011, Jean-Jacques Milteau propose l'album Consideration, Considération, sous le titre Galvin, Milteau, Robinson, Smith. Et il y a aussi une invitée, Carmen Maria Vega, qui va chanter sur une version fort sympathique de Fever. Alors, Fever, c'est un classique du rhythm and blues et jazz, dont la première version est parue en 1956, chantée par Little Willie John, et ensuite Peggy Lee en 1958, et puis de nombreuses versions, il y en a plein. Jean-Jacques Milteau, Fever, featuring Carmen Maria Vega. C'est pourquoi, docteur, magnifique version de Jean-Jacques Milteau avec au chant la sensuelle Carmen Maria Vega. Les paroles françaises ont été quelque peu changées par rapport à l'adaptation originale de 1958 qui avait été écrite par Boris Vian et chantée par Gabriel Dallaire, que je ne connaissais pas. Après cette douceur, pour terminer l'émission, deux titres de Little Bob Blues Bastard, leur nouveau disque de mars 2021 s'intitule We Need Hope. Et on va commencer avec Natural Born Boogie ou Boogie ou Natural Born Woman, ça dépend des disques, ça dépend des années, mais tout ça c'est la même chanson de Humble Pie, Little Bob. C'était Natural Born Woman ou Boogie, selon les années ou les disques. Un titre de Humble Pie, groupe qui avait été créé par Steve Marriott, le regretté Steve Marriott, décédé en 1991. Et puis auparavant, il avait créé Small Faces. Je vous invite à écouter ces deux groupes si vous ne les connaissez pas. Small Faces tout d'abord, et puis ensuite Humble Pie. Toujours Little Bob Blues Bastards, leur dernier disque, avec une reprise de Where Have All the Good Times Gone. Ceux qui me connaissent sauront pourquoi j'ai failli me tromper en disant adaptation. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, cette chanson est un titre des Kinks, composé par Ray Davies et paru en 1965. Repris également par David Bowie sur son célébrissime et magnifique album Pin-Ups. Voici la version de Little Bob Blues Bastards. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Thing. Hopped up and shut out and never tried to sing. Wonder if I'd gone wrong with this depression last for long. Won't you tell me where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Once we had an easy ride and always felt the same. Time was on our side, I had everything to gain. Let it be like yesterday. Please let me have happy days. Won't you tell me where have all the good times gone? Where have all the good times gone? My empire looked back on the things they used to do. Didn't have no money and I always told the truth. Daddy didn't have no toys and mommy didn't need no boys. Won't you tell me where have all the good times gone? Where have an easy game for you to play. Let's face it, things are so much easier today. I guess you need some bringing down. Get your feet back on the ground. Just won't you tell me where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Where have all the good C'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.